bien encore. I love you. Mi amo lo que quiero. C'est vous craignez que m'aimer. Quand tu ne me laisses pas tomber. Toi qui éclaire mes sentiers. Dans tes bras je voudrais rester. Et cela pour l'éternité. L'amour éternel. Je veux être avec toi pour la vie. Aujourd'hui je dis oui. Je veux être avec toi pour toujours. Tu es mon seul amour. Je veux être avec toi pour la vie. Aujourd'hui je dis oui. Je veux être avec toi pour toujours. Vraiment avec toi ma vie a changé. Tu m'as renouvelé en esprit, en vérité. Je sais que je peux compter sur toi. Je n'ai pas peur du lendemain car je sais que je suis avec toi. Toutes mes peines, tu es capable de les transformer en joie. Toi qui paya le prix sur la croix. Les bon Dieu, les meilleurs mots n'est pas les pécoles. Love qui ça, tout ça il fait bon nous obligé de flipper ça. Les problèmes qu'a vite, nous pas qu'à flipper si ça. Si j'y mets la bosse cap, mon Dieu qui a pas dit ça. Je veux être avec toi pour la vie. Aujourd'hui je dis oui. Je veux être avec toi pour toujours.